Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM. Alors, bien entendu, l'actualité est riche d'événements. Hein. On voit aujourd'hui cette guerre qui débute entre les États-Unis et l'Iran hein, par des manifestations particulièrement agressives et on peut craindre le pire au Moyen-Orient pour l'avenir et puis pour eux. Et puis pour la planète également, hein, parce que ça peut engranger pas mal de choses. Et puis pour notre économie, puisqu'on va assister, bien sûr, comme d'habitude, à une envolée du prix du pétrole qui vient pour au moins un quart du Moyen-Orient. Mais j'ai trouvé quand même encore plus pessimiste, je crois, c'est-à-dire puisqu'on parle de la période de Noël, hein, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, on s'aperçoit que... Et puis aussi, on présente nos vœux pour le nouvel an. Je vous présente les miens, bien entendu, à l'écoute d'RGM. Mais quand même, que l'avenir ne prête pas à l'optimisme. Et puis surtout... qu'au lieu de réconcilier les peuples, ben, on construit des murs entre les peuples. Je fais référence à un article de Libération qui parle que de l'Arabie saoudite aux États-Unis, 40 000 km de murs se sont construits. 2019, c'est un peu l'anniversaire de la chute du mur de Berlin, enfin du mur qui existait entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, qui depuis ont été réunifiés. Hein. Puis c'était quand même un bienfait, une libéralisation, une liberté plus grande pour les peuples de l'Est, avec la chute d'un communiste étatique et qui brimait les libertés. Et puis, on pouvait penser que ben, les relations internationales allaient s'apaiser, qu'il y aurait beaucoup plus de solidarité entre les peuples. Et qu'arrive-t-il ? Eh ben, on reconstruit des murs. Le nombre de barrières censées protéger les populations d'une menace supposée au réel s'est envolé depuis 30 ans, jusqu'à 70 sur la planète. Bienvenue dans l'ère du repli sur soi. Vu du ciel, la Terre doit désormais sembler lacérée de coups de griffes. Autant de murs, barrières, barbelés, érigés sur tous les continents et qui incarnent l'impératif de l'époque. Se protéger. Alors que dire par rapport à ça ? Ben, se dire que, de toute façon, on nous disait que la mondialisation allait justement unir les peuples. C'est tout le contraire qui s'est produit. C'est une évidence. La chute du communisme n'a pas enterré les grandes peurs de séculaires. Les nouvelles menaces prétendues ou réelles, ont même conduit à multiplier les murs de séparation. Il y en avait 11 à travers le monde au moment où l'euphorie d'une ère nouvelle semblait s'imposer à coups de pioche à Berlin. Il y en aurait désormais entre 20 et 70, selon qu'on prenne en compte, dans ce calcul, les grillages barbelés ou uniquement les murs bétonnés. Sophistication des nuances qui révèlent d'ailleurs combien la panoplie s'est élargie. In fine, ces nouvelles barrières couvriraient l'équivalent de la circonférence de la Terre, soit 40 000 km de long. C'est déjà considérable. Mais les intentions des nouveaux bâtisseurs ont également changé. Car si les murs de Berlin avaient été érigés pour empêcher la sortie et donc la fuite des Allemands de l'Est, les nouveaux murs sont, eux, destinés à bloquer l'entrée de ceux qui sont jugés indésirables. Réflexe défensif qui en dit long sur la méfiance et le repli sur soi, la peur de l'autre qui contamine le monde actuel. La palme du mur, le plus médiatisé, revient évidemment aux États-Unis, depuis que Donald Trump a fait du bétonnage total de la frontière avec le Mexique sa principale promesse électorale. 3 ans après son arrivée à la Maison-Blanche, les coups de menton restent plus visibles que les coups de truelle. Mais début septembre, le président américain a fini par obtenir du Pentagone le déblocage de 3,6 milliards de dollars pour la construction de 280 km de murs supplémentaires, lesquels viennent ainsi s'ajouter aux 1050 km déjà érigés par ses prédécesseurs, avec un coup d'accélérateur donné par George W. Bush en 2006, dans un pays hanté par les attentats du 11 septembre 2001. Terrorisme et migration sont d'ailleurs partout les deux épouvantails agités par les dirigeants qui emploient à transformer leur pays en château fort. C'est au nom de ces deux menaces que l'Europe est ainsi en passe de devenir une vaste communauté du terme de ses résidences fermées où se calfeutrent les plus riches. Concept apparu aux États-Unis et en Amérique latine et qui tend à s'étendre à tous les pays marqués par un écart grandissant de richesse. Vivre séparé des pauvres, ou du moins des plus pauvres que soi, c'est l'objectif. C'est également ce qui motive implicitement l'érection des nouveaux murs transfrontières depuis la fin de la guerre froide. La mondialisation a rendu la circulation de l'argent immatérielle et celle des biens inévitables. Seule la circulation des personnes est perçue comme une menace que les nouveaux murs doivent limiter. Un réflexe qu'on retrouve aussi hors du monde occidental. Depuis 2002, Israël multiplie ainsi les murailles de protection pour s'isoler des Palestiniens en Cisjordanie. Et plus récemment, a accéléré la construction de clôtures anti-immigrants le long de ses frontières avec la Syrie et la Jordanie. L'Arabie saoudite a bâti un mur anti-migrants de 75 km à sa bordure avec le Yémen et un autre de 965 km l'isolant de l'Irak. Depuis 2007, le Brésil s'emploie lui aussi à dresser des murailles avec tous ses voisins pour freiner les migrants et les trafiquants. En 2010, l'Iran a amorcé la construction d'un mur de 700 km de long sur la frontière afghane. Tous ces remparts sont-ils pour autant efficaces ? À court terme, peut-être, mais il y aura toujours des chemins détournés et des failles qui déjouent ces stratégies sécuritaires. La semaine dernière, des trafiquants mexicains, là c'est un article qui date du mois de décembre déjà, les trafiquants mexicains ont ainsi réussi à percer des trous dans la nouvelle section du fameux mur puissant de Trump à la frontière. Visiblement, sans beaucoup de mal, avec de simples petites scies ordinaires. Voilà, bah, que dire par rapport à ça, que bien sûr, cette mondialisation sauvage, commerciale, voulue par les... a échoué à unir les peuples, hein, bien au contraire, les a désunis. Et puis on voit les masses financières qui circulent à la vitesse de la lumière, mais par contre entre les peuples, bien, entre les peuples et... On dresse des murailles de plus en plus fortifiées pour éviter ces échanges humains qui, de toute façon, deviendront de plus en plus nombreux, surtout avec le réchauffement climatique. Il y aura de plus en plus de réfugiés climatiques qui viendront frapper aux portes de pays qui sont, eux, sécurisés. Voilà, ben, triste perspective pour 2020, parce qu'on continue sur la même lancée, et les tensions internationales deviennent de plus en plus évidentes. Alors, ben, souhaitons quand même que les choses s'améliorent pour 2020. Hein. On est au 20e anniversaire du siècle, pourrait-on dire, et on pourrait penser quand même que pour l'environnement, pour l'humanisme, on ait de meilleures relations à travers la planète. Voilà, c'est le vœu que je forme, et en vous souhaitant, bien sûr, en vous présentant mes meilleurs vœux pour 2020. Et à jeudi prochain, si tout va bien.